Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette première émission de l'hiver 2024 de Rock de Neurone. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée au moment fort de 2023 avec Riverside de Pologne, Stephen Wilson d'Angleterre, Unitopia d'Australie, La Bocca della Verità d'Italie, Carfagen d'Ukraine, on aura aussi Andrea Orlando d'Italie, Léormé d'Italie et Moon Safari de la Suède. Avant de débuter la portion musicale de l'émission, j'aimerais parler un peu de ce que disent les chiffres concernant cette année 2023 qui vient de se passer. D'abord, en termes d'émissions de nouveaux albums de rock progressif, j'ai recensé cette année 1622 nouvelles parutions. Ça se compare avec les 1595 qui ont été produits en 2022, donc plus ou moins 1600 albums par année. Donc, pas de changement de ce côté-là. Du côté des nouveaux artistes, par contre, on observe une glissade qui s'est amorcée depuis la COVID, en fait. On est passé de 898 nouveaux artistes en 2020 et à peu près la même chose en 2021 à 560 en 2023, ce qui constitue une diminution de 37%. On remarque que ça ne se traduit pas par une baisse des nouveaux albums, mais ça risque de changer dans le futur, faute de relève. Maintenant, du côté musical, on va débuter par un extrait du nouvel album de Riverside. L'album s'intitule ID Identity. Ça s'est paru en début d'année et ça sera suivi de Stephen Wilson avec un extrait de son nouvel album The Harmony Codex. Mais auparavant, voici donc Riverside. I've tried different ways so many times. I've tried to run away, hide behind makeup. And when I felt this time it would be okay, you grabbed me by the hair and threw into the same cage. You are classified, do not even try. No one will believe you just like I believed you, my love. Do not play with fire. I've tried many times in different ways to get out from the drawer with your favorite tag. And when I felt this time it would be alright, you decided to lead me on your right path, teach me humility. You are classified, do not even try. I loved you so you need to feel my hate for you now. You asked for it yourself. Thank you. street wasn't here for a long time. Everyone's divided, extreme right or extreme left, that's the only choice. And this goddamn anger coming from every corner. I'm not surprised, not happy either, because how much can you bear being fucking lied to? Give me another sentence and remember that it should be smart to make me stop to cool me down. But maybe I don't want to wait for better times. Maybe I don't want to listen to what's best for me when I will try. Tells you how you should live by starting from getting to know yourself. Wow, BFD indeed. Tell me something I don't know about. Tell me something that doesn't sound like you just finished high school and learned by heart a few well-known quotes from your favorite browser. Give me another sentence and remember that you should be smart to make me stop to cool me down. And maybe I don't want to take another pill. Maybe meditation app is not for me. Maybe I don't need your coaching course. Hearing that is all my fault. Born and where I live. What's my gender? What's the color of my skin? We don't have equal chances. Everything doesn't depend on me. No, oh no, stop saying that. Stop saying that. Where I belong, a bit of my own accord. When I feel calm and comfortable, where I don't care anymore. If you believe my words, yes, I am tired of your requirements. When your bar is set too high, I am sorry I'm getting out of this race, don't wanna take my part. When your bar is set too high, I am sorry I'm checking out of this race, don't wanna share my part. No. To be the best, feel pressure all the time. The winner takes it all, it's not my thing. Stop comparing me to someone else's dreams. Let me stay in the place where I belong. For your bar is set too high. I'm sorry, I'm getting out of this race, don't wanna take my part. For your bar is set too high. I'm sorry, I'm checking out of this race, don't wanna share my part. For your bar is set too high. I'm sorry, I'm getting out of this race, don't wanna take my part. Oh, Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Un petit rappel pour mentionner qu'avant la pause, on a entendu le Britannique Stephen Wilson et ça avait été précédé de Riverside de Pologne. Je rappelle aussi que cette émission d'aujourd'hui est consacrée aux meilleurs moments de 2023 et c'est la première de deux émissions. On aura une suite la semaine prochaine. Alors pour ce deuxième segment, on aura encore deux longues pièces qui ont été appréciées des auditeurs durant cette année. La première nous vient d'Australie. C'est Unitopia qui ont sorti cet automne l'album Seven Chambers et ça sera suivi des Italiens La Boccia della Verità et la pièce Connected Overture tirée de Unconnected, leur deuxième album paru cette année. C'est le deuxième depuis 2016. Alors on commence tout de suite avec Unitopia. Much closer than hello. The lines we know, caught in undertow. Looking out, but never in. Thought I across a great divide. I'm wondering, watching as my world topples down. Domino, seeing as security snap and my security collapse to the ground. Now, what do I know? There is no pretense, nor deceit, nor faking at the gates of hell. Just your existence. out the cancer. Radiation therapy using high-dose x-rays will other high-energy rays kill cancer cells. Chemotherapy using drugs to kill cancer cells. Hormone therapy using hormones to stop cancer cells from growing. Radiation therapy using high-energy x-rays to kill cancer cells and shrink tumors. Surgery is the most common treatment. Wound cell dissection removes lymph nodes in the neck that contain cancer. Chemotherapy can be taken by pill or put into the body by a needle in the vein or muscle. Wonders I could not see surround. 40 days in the enigma brings me round. In the land of the uncertain, I am found. beauty I have known. In this land of the uncertain, I am home. I am home. I am home. I am home. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Durant le bloc précédent, on a entendu le groupe italien La Bocca della Verità qui a été précédé par les Australiens d'Unitopia. Pour ce troisième segment de l'émission d'aujourd'hui qui, je le rappelle, est consacré aux meilleurs moments de 2023, on aura encore deux longues pièces, dont un extrait de l'album Fleuve de Carfagen d'Ukraine. L'album s'intitule Passage to the Forest of Mysterious and Birds. Et ça sera suivi de l'Italien Andrea Orlando, qui vient de lancer la Scienza della Stagione, son deuxième album en solo. Ça, c'est hors de sa participation dans le groupe La Maschera di Cera. Voici donc, pour débuter, notre ami ukrainien Anthony Kalugin. Hello, dear friends. This is Anthony Kalugin. Best wishes from Ukraine. You're listening to Rock the Neurone. Stay safe and Slava Ukraini. We'll be right back. un volto in uno specchio di ricordi chiusi dentro di me. Guardo nella palude dei miei sbagli e sono in cerca di te. Ma non hai smesso mai un istante di essere qui. I tuoi perciò e i miei nonostante, gli stessi perché. Ricordi ancora c'è ancora nebbia sopra la città e l'alba svela un'ombra effimera. So che ritroverò la luce che casa dove io tornerò. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui qui, je le rappelle, est consacré au meilleur moment de rock progressif de 2023. Et on va débuter avec le légendaire groupe italien Le Orme avec deux courts extraits de leur nouvel album Le Orme and Friends. Et ça sera suivi d'une longue pièce de Moon Safari de Suède. Et cette pièce-là est extraite de l'album qui vient tout juste de paraître, qui est le volume 2 de Himlabacken. « 'cause we've got to rock and roll. Dancing in the stardust, it's all so bittersweet, and that's my legacy. I will not wish any companion in the world but you, no one else but you, my love. Baby, we don't need no borders, 'cause we've got to rock and roll. Promise that the rain will fall. And the rain will fall. Ring your bells for better days to come. C'était le groupe suédois Moon Safari avec la pièce Teen Angel Meets the Apocalypse. Ça, c'est tiré de Himlabacan Volume 2 qui vient tout juste de paraître. Alors, je vous rappelle que cette émission était la première de deux émissions consacrées à une rétrospective des moments forts du rock progressif de 2023. On aura la deuxième émission la semaine prochaine. Alors avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les jeudis de 11h à 13h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et de plus, l'émission est disponible sur Internet à partir du site web de SoundCloud. Je vous rappelle aussi que la feuille de route de l'émission est disponible sur notre page Facebook et qu'en plus, je diffuse une infolettre hebdomadaire que vous pouvez obtenir en m'en faisant la demande en privé. Ça, c'est toujours sur la page Facebook de l'émission. Alors, j'espère que vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour notre rendez-vous avec